LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. C'est toute la tragédie de la fin d'une société que vivent aujourd'hui les hommes du pays noir. La concurrence du pétrole et du gaz naturel, épuisement des veines, le poids toujours croissant des retraites et des charges salariales rendent économiquement impossible la continuation de l'exploitation minière. L'un après l'autre, les puits sont fermés. Les effectifs ont diminué de plus de la moitié par rapport à l'avant-guerre. Dans 10 ans, l'extraction sera définitivement arrêtée dans toute la partie occidentale du bassin. Ina. Le paysage lui-même va se modifier. Janvier 1973. Sur l'emplacement des vieilles fosses et de leur chevalement, des usines nouvelles doivent surgir. Mais seront-elles implantées en nombre suffisant pour éviter à la population les drames du déracinement, la rupture des liens familiaux, l'abandon des lieux où se rattachent les souvenirs de toute une vie? Au fond de la mine, Johanna Bedeau, Marie-Laure Ciboulet. Et vous, personnellement, comment est-ce que vous envisagez votre avenir? Moi, mon avenir, disons que personnellement, je n'ai peut-être pas encore envisagé de quitter mon métier de mineur, parce que je n'ai pas encore trouvé, si vous voulez, le principe de reconversion qui pourrait me convenir, qui pourrait surtout convenir à ma condition de famille. Et je crois que pas mal de mes camarades sont dans le même cas. C'est à cause des avantages matériels ou bien c'est à cause finalement d'une sorte de fidélité sentimentale au lieu ou... Oui, il y a surtout la fidélité sentimentale au lieu, c'est vrai. Puisqu'un mineur, je vous assure qu'il ne va pas, disons, partir ailleurs comme ça. Il est quand même fidèle à son petit coin, à sa cité, à la région. Il est quand même implanté là depuis des années et des années. Il y a le père, il y a eu le grand-père, il y a eu l'arrière-grand-père, en fait. Il y a eu toute une génération de mineurs qui sont restés dans cette région. On ne la quitte pas aussi facilement. Ces enfants qui jouent dans les rues des vieux corons sont eux aussi fils de mineurs, petits-fils de mineurs. Mais pour eux, une certitude, ils ne seront plus mineurs à leur tour. Le fil des générations est aujourd'hui rompu. Ces enfants, quel destin l'avenir leur réserve-t-il? On ferme les mines. On est à quel endroit ici alors? Alors ici, là, on est, pour moi, on est sur les puits de Sainte-Marie. Patrick Garcia. Nous, on appelle ça le trou à tonton. Hein. Ancien mineur. Et quand on dit tonton, c'est tonton Mitterrand, quoi. Bon, il y a eu Jaurès qui est une chose, mais le Parti Socialiste dans le Carmozin a marqué tout le temps son temps. Et l'énergie, c'est tout le temps politique. Mitterrand, quand il a fait la campagne en 80, il est venu, il a démarré à Carmo. Le démarrage de la première mine à ciel ouvert, il a démarré en 86 et elle est ici. On avait fermé le fond, hein, c'est la suite de plans sociaux. Pour pouvoir fermer le fond, où on était 3000, on nous a fait la promesse d'avoir une découverte. Moi, je suis arrivé à la partie là où il fallait. La terre était enlevée et moi, je suis venu pour faire les premiers tirs à l'explosif et enlever le charbon. Avant que ce soit une mine à ciel ouvert, qu'est-ce que c'était? C'était le carreau du puits, d'accord, là où on avait les deux tubes pour descendre le matériel et descendre le personnel pour aller prendre l'exploitation. Il y avait deux puits à peu près à la hauteur des arbres là-bas, hein, c'est-à-dire 160 mètres au-dessous de là où il y a l'eau. On est dans des dimensions, faramineuses, quoi. Hein. On est 1,3 km de diamètre, on descendait à 220 mètres de profond. Voilà ce qui reste des 5 quarts de CRS après leurs affrontements de lundi dernier avec les mineurs de Carmo. Les mineurs protestaient contre une nouvelle réduction de leurs effectifs et leur violence ne peut se comprendre qu'avec l'histoire du pays et de ces 10 dernières années. Antenne 2, juillet 1991. Carmo dans le Tarn est un fief de la tradition ouvrière. C'est le pays de Jaurès qui a toujours exhorté les ouvriers au courage et au combat pour la dignité. C'est là que Mitterrand a lancé sa campagne pour les élections présidentielles et promis son soutien aux mineurs venus l'acclamer. À l'époque, les charbonnages de France menaçaient déjà de fermer la mine jugée non rentable. C'est vous qu'ils visent, vous, peuple de France, vous, travailleurs, vous, dont la juste revendication est celle de la vie et du refus d'une société qui vous dénie le droit de vivre. La gauche au pouvoir va relancer la politique charbonnière, pas pour longtemps. les pertes énormes découragent le gouvernement qui programme la fin de l'exploitation du fonds. En contrepartie, on lance une mine à ciel ouvert. Il s'agit déjà de calmer les mineurs. L'objectif est d'extraire sur deux sites 15 millions de tonnes sur 15 ans. Seulement, 6 ans après le début des travaux, on a sorti à peine 300 000 tonnes du premier site et la facture est déjà de 2,5 milliards de francs. C'est le trou le plus cher du monde. Le deuxième site qui devait produire 10 millions de tonnes ne sera jamais lancé alors que tout avait été prévu, terrain et matériel, pour ce faire. Les mineurs, dégoûtés par tant de promesses non tenues, ne se laisseront pas faire. Si nous sortons de là, ce sera avec les pieds devant. On sortira la tête haute dans ce trou. Et s'il faut ressortir les camions, on les ressortira. Et on n'aura pas peur des CRS. Là, je vous le garantis. On l'a déjà prouvé. On l'a déjà prouvé, on a cassé des cars et on peut casser autre chose aussi. Et après, en 97, on nous a arrêtés complètement en disant que c'était fini. Et on était passé à un deuxième plan social, on est passé de 800 qu'on était à 300 personnes. Et dans les 300 personnes, c'était des gens qui allaient finir pour arriver enfin en retraite anticipée dans les courants de l'an 2000. Quoi. Le plan social présenté par les Charbonnages de France aux syndicats prévoit notamment d'avancer de 5 ans à 45 ans, donc les départs en pré-retraite. INA, février 1987. Ces salariés d'au moins 45 ans et qui ont 25 ans ou plus d'ancienneté, pourront être placés en congé charbonnier de fin de carrière. Pendant ce congé, ils toucheront 75% du salaire net avec les mêmes avantages en nature, logement, chauffage d'un agent en activité. Pour les agents les plus jeunes, un congé d'adaptation professionnelle leur sera proposé pour pouvoir se reclasser par la suite. Côté syndicat, la PAZ va maintenant tout est fermé petit à petit. Donc en 87, il y a eu un plan social. Là, on avait le choix pour partir dans notre mine. Michel Boudon. Donc, quelques-uns sont partis à la Mure, dans le Dauphiné, du côté Grenoble. D'autres sont partis à Lomans, dans l'Allier. La majorité sont partis à Gardanne, à la Bouches-du-Rhône. Il y avait aussi la possibilité de partir à EDF. On pouvait aussi se reconvertir. Donc, les houillères nous donnaient une certaine somme, on pouvait se reconvertir. Et puis, il y a eu la demande faite par le Charbonnage de France Internationale de volontaires pour partir à l'étranger, notamment en Inde. Et vous, Bernard Rodriguez, quand vous êtes parti en Inde, c'était pour quelle raison ? Ben parce que ça allait fermer déjà ici. Donc j'étais un peu court sur les critères et tout. Ouais. Donc déjà ça donne à réfléchir. Et puis j'avais pas envie d'aller ni à l'EDF ni à la mine à ciel ouvert. J'accepte pas le fait que la mine à ciel ouvert, moi j'appelle pas ça une mine à ciel ouvert, j'appelle ça un gouffre à pognon. On y a mis un pognon pas possible, on a arraché de la terre pendant 10 ans pour arriver au charbon, et quand on arrive au charbon, on nous dit, ben c'est bon, on arrête tout. Ben, tu te fous de la gueule du monde. T'as exploité des gens, t'as fermé des mines, t'as mis des familles entières à la rue. Il y en a qui ont divorcé, ça a foutu un bordel pas possible, la ville elle est morte, alors que c'était toutes ces villes, je parle pas que de Carmont ou Cagnac, pour toutes les mines. Et puis on te fout de voir comment... C'est terrible. Donc oui, j'en veux la boîte, ouais, bien sûr. J'en veux un charbonnage à l'étang. Bon, la mine à ciel ouvert, c'est une carrière, c'est pas une mine, déjà. Même si on arrache du charbon, si on exploite du charbon. Et voilà, donc, moi, c'était au fond. Donc j'ai accepté cette mission. La première mission, c'était pour 6 mois, que j'ai renouvelé 6 mois de plus là-bas. Et à condition qu'au retour, me mute dans une mine au fond. Vous ne vouliez pas entendre parler du jour ? Ah non, non, non. Non, non, non. Pourquoi ? Parce que je suis mineur de fond, ouais. Et mineur de fond, il est mineur de fond, quoi. Et là-bas, je suis parti avec plaisir. Et vous alliez pour transmettre. C'est ça, voilà. Et puis nous, ça allait fermer. On est la seule génération qui n'a pas passé le flambeau à la génération suivante. Donc, le fait d'avoir un peu aussi passé le flambeau aux Indiens, c'est sympa aussi, quoi. On a été à peu près 300-350 contactés. Pour 31 gars de Carmont qui sont partis. Plus 5 de Mont-sur-les-Mines et 1 de Nord-Pas-de-Calais. On attendait quoi des anciens mineurs de Carmont ? En Inde, ils nous attendaient pour qu'on soit moniteur. Moniteur pour les apprendre à travailler. Faire aussi un peu chef. Mais aussi ouvrier parce qu'on avait une partie de la prime qui était indexée sur le rendement. Donc si on n'avait pas de rendement, on n'avait pas la prime. Notre méthode s'avérait être la meilleure pour sortir le charbon dans des couches déjà exploitées, en partie. Ils avaient beaucoup exploité les couches en chambre et pillées. Donc il faut une galerie tous les 15 mètres ou 20 mètres et ils exploitent que la galerie. Voilà, le reste est perdu. Donc ils sortent à peu près à peine 30% de charbon. Nous, c'est la méthode de chambre soutirée. Donc nous, on fait des galeries tous les 15 mètres, on fort à 45 degrés par côté, 55 au toit, on met explosif, on fait péter. Et avec ça, on sortait à peu près 95% de charbon. Cette méthode-là, elle a été faite uniquement à carbon. La méthode de chambre soutirée, ça a été inventé à carbon et ça a été fait qu'à carbon. Quand on est arrivé là-bas, je me suis dit, là, on vient de prendre 100 ans en arrière. J'ai l'impression qu'à la mine, c'était germinal, c'était... Je me suis adapté presque de suite. Bon, le plus dur, ça a été le climat, la barrière de la langue, tout ça, ça a été un peu compliqué. Pour... Déjà, c'est la mine, c'est un métier avec des langues, un vocabulaire bien, bien spécifique et tout. Donc, on nous avait donné des heures, des cours d'anglais, on connaissait plein de mots techniques. De là, construire une phrase, ça fait deux, quoi. Donc, avec les Indiens qui eux, parlent pas à moitié anglais, le Bihari, parler au nous, on expliquait, par exemple, un Bihari, qui lui allait après expliquer ce qu'on lui allait expliquer au Bengali, parler à peu près. À la fin, ils avaient rien compris, c'est nous qu'on faisait le boulot. Mais on en a rien, mais on est là pour vous le faire faire, c'est pas à nous de faire le boulot. Et donc, au début, on faisait des heures, hein. Mais bon, c'était nécessaire, il fallait rentrer les engins, il n'y avait rien, même pas l'air comprimé au fond, c'est nous qu'on l'a mis, enfin, il n'y avait rien. Juste des machines, des perforatrices électriques qui ont chopé le jus régulièrement parce que les câbles étaient un peu dénudés, ils trempaient dans la flotte, ils chopaient des châtaignes, mais voilà quoi. Bon, il faut mettre en place tout ce qui est convoyeur, à bande, enfin, les tapis roulants, parce que c'est tout réglé n'importe comment, donc il faut tout régler comme il faut, les convoyeurs à chaîne. Mettre en place tous les traçages de galeries. Il y a déjà des galeries, mais il en manque beaucoup, donc il faut retracer. Les apprendre à des forations correctes, les tirs comme il faut, et sortir le charbon, et en extraire le plus possible par jour. C'est l'État indien qui paye les houillères, qui vous paye après. Quel est l'accord qui est passé? L'État indien paye l'État français, l'État français nous repaye. Parce qu'on a été payé en francs et en français. Comment vous gériez le danger? Vous nous avez parlé de vos problèmes d'audition. C'était suite à un accident que vous avez eu en Inde? Oui, parce que moi j'étais responsable des tirs. Enfin, je faisais un peu tout, mais j'étais principalement responsable des tirs. Et un jour, en fin de poste, bon, il y a eu des mésententes. Et moi j'ai pris le fil, j'étais branché l'explosif. Puis quand je me suis retourné, il fait 4 mètres et il y a eu une grosse explosion. Je me suis retrouvé à 27 mètres avec tout le dos à moitié arraché, les oreilles, le dos, fait un peu tout. Et c'est de là que j'ai des problèmes d'audition. J'ai fait un périple assez long dans les hôpitaux indiens. Et j'ai été opéré 6 fois après en France. Parce que j'avais des corps étrangers de tout le dos. C'est-à-dire du cuivre, du fer, de la pierre, de la poudre. Ça faisait des gros abcès. Ça s'est percé, on m'ouvrait, un curetage, je refermais, je repartais. Voilà, c'était... Mais j'ai eu aucune fracture. Par contre, j'ai eu une grosse perte d'audition. Mais bon, dès que j'ai pu repartir, ben, je suis reparti. Parce que ça me manquait. J'aime bien l'Inde, donc je suis reparti tout de suite. Quand je suis revenu d'Inde, déjà ça faisait entre les stages qu'on avait fait avant, puis un an en Inde, c'est là, presque 2 ans, c'était presque pas à la maison. Donc ça, le retour était difficile, le reprendre une vie de famille. À peine arrivé, on m'a muté à Gardanne. Donc ça nous a complètement séparés. Et... J'arrivais d'ici, ici c'est déjà calme, et j'habitais dans un coin vraiment paumé, avec le chemin s'arrêtait chez moi, et puis il y avait des bois, et je me suis retrouvé au 3e étage, dans un immeuble du côté de Marseille, et je me suis retrouvé là-bas tout seul. Et j'avais qu'une envie, c'est revenir. Je connaissais quelques mineurs, mais en plus on n'était pas trop acceptés. Il y en a qui nous disaient, ouais, vous prenez le boulot à nos enfants et tout. Non, attends, on est dans la même boîte, je leur explique, on pas rien. Hein. Si ça avait fermé ici, tu aurais été content peut-être de venir avec ta famille chez nous. Et nous, on t'aurait accepté, hein, parce qu'on en a accepté d'autres, on n'y aurait jamais eu de problème. Ah, des fois, c'était un peu tendu au début. Et après, bon, après, on était des mineurs. Et puis... Donc, ça fait à peu près 23 ans de fond, et après, je suis rentré dans le plan social. Et alors, le plan social? Qu'est-ce que c'était? C'est le congé charbonnier de fin comment de carrière. Comment vous l'avez vécu? C'est mal. Hein. Moi, je me suis, syndicalement et tout, je me suis battu contre la fermeture des mines, bien sûr. Et quand on me l'a proposé, je suis parti. Quoi. De toute façon, c'était la fin. Et... Quand on vous a proposé quoi? Le congé charbonnier, oui. Ouais. Et là, on m'a payé pendant 10 ans, jusqu'à l'âge de la retraite, à rester à la maison. Donc, en perdant 20% de mon salaire, mais je crache pas la soupe, hein, c'était pas mal non plus. J'avais à peu près 1600 et quelques euros par mois à rester à la maison, et ça va. Il y en a, ils bossent, ils sont loin de les gagner. Mais malgré tout, intérieurement, ça m'a toujours gêné. J'étais pour l'emploi. Tous les mineurs qui avaient 25 ans d'activité ou plus ont été placés dans une espèce de situation intermédiaire entre la retraite et l'activité avant de basculer en retraite. Donc avant 50 ans. Avant 50 ans. Certains sont partis en retraite, je pense, autour de 45 ans. Parce que donc la dernière mine qui ferme en France, c'est 2004. À Creusval, c'est ça ? À Creusval, oui. Dans le sud-est, à Gardanne, c'est en 2003. En Lorraine, c'est en 2004. Et les Charbonnages de France, l'entreprise nationalisée mère, cesse officiellement d'exister en 2007. Donc c'est un processus qui, effectivement, n'est pas si ancien que ce qu'on pourrait penser. Il y a 2 heures environ, 90 mineurs sont remontés du fond de la fosse numéro 9 de la taille Saint-Michel à Wangui, entre Arras et Lille. Tous leurs camarades des autres équipes les attendaient. Chacun a reçu un album photo en souvenir du fond dans lequel ils ont travaillé pour la plupart toute leur vie. Ina, décembre 1990. C'était la dernière remontée, le puits d'œuf, le dernier puits encore en exploitation, ferme. L'exploitation du charbon cesse, une page est tournée. C'est dire que tout à l'heure, l'émotion était grande sur le carreau de la mine où se trouvait notre envoyé spécial Serge Martin. 10h30 ce matin, dans le froid et sous une pluie fine, autour du chevalement, des centaines de personnes, hommes, femmes, enfants, battent la semelle sur un sol rouge et noir. Ce sont les familles, les parents, les anciens de la mine. Soudain, dans un brouhaha général, la cage, ou autrement dit l'ascenseur, arrive. Ça y est, l'heure de la fin est arrivée. Les gueules noires, le regard clair mais embué de larmes sous un masque de charbon, sortent un à un, tenant l'ultime gaillette, le dernier morceau de charbon. Bon extrait. L'émotion est intense, les mots difficiles à trouver. Alain Boulier. Disons que on a un peu, je suis triste, quoi, disons on a un peu le cop. Pour dire que j'ai fini. Et il n'y aura plus de mine. C'est la dernière ici qui ferme. Tous serrent leurs morceaux de charbon, tous se congratulent. Une page de l'histoire de la région est en train de se tourner. Guy Boulan, lampiste. Ça fait un choc quand même. Parce que on ne pensait pas que ça allait fermer si vite. Quoi. Enfin, surtout que maintenant, après, il n'y aura plus de mine, dans le Pas-de-Calais, il n'y aura plus rien. Quoi. Les femmes, filles, petites filles de mineurs sont là également. À leur manière, elles ont participé à ces 270 ans d'histoire de la mine. Christiane Videlaine. C'est la nostalgie, parce que vraiment, c'est aujourd'hui, pour moi, c'est mon enfance qui part. Quoi. On a toujours vécu dans ce milieu, en autarcie. Tout était régenté par les ouvrières, que ce soit les écoles, le sport, la culture. Et aujourd'hui, c'est vraiment la page de l'histoire du Pas-de-Calais qui se tourne. Seul, au milieu de tous ceux qui regrettent, un homme qui ne cache pas, lui, sa satisfaction de voir la dernière mine du Nord se fermer, et il a ses raisons. Théodore Chastignac, maire de Dourges. C'est un peu un sentiment, non pas de revanche, mais peste de revanche, en disant que cette mine qui a tué mon père, je dis bien par maladie, mon beau-père et mon frère, mes cousins et mes oncles, le ferme, et donc on n'aura plus ces mineurs silicosés. La silicose. Quand ce n'était pas les blocs de charbon qui s'effondraient, les coups de grisou, la maladie emportait ces travailleurs de l'impossible. Permanence de la CFDT, des anciens mineurs de Frémin-Marlebach. Les dossiers, ça, c'est que des cancers, ça. Les dossiers, vous voyez, vous êtes dans le bureau cancer. Voilà. C'est que des cancers. Hors poumon. François, ancien mineur. C'est-à-dire que tout ce qui est respiratoire, c'est les deux collègues en bas. Et on a créé une autre équipe pour tout ce qui est cancer hors poumon. Cancer de la vessie, cancer du rein, leucémie, cancer de la peau. Mais lié au travail de la mine. Toujours les reconnus comme venant du travail. Ouais. Je prends un cancer de la vessie, par exemple, c'est lié à l'inhalation de ce qu'on appelle des HAP, des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc c'est le noir du barbecue, par exemple, la fumée de cigarette, la fumée de l'usine, l'échappement diesel, les brouillards d'huile. Et à l'époque, on avait des huiles de houille, c'est-à-dire qu'on distillait le charbon pour faire le coq. On avait toute une industrie qui s'est créée avec ce qu'on sortait du charbon. Donc les huiles de houille vaporisées au fond, parce que vous avez un flexible qui éclate, ce brouillard d'huile, vous le respirez, ça donne le cancer de la vessie. Et si, quand vous l'avez sur la peau, ça donne le cancer de la peau. Voilà. Donc c'est décrit depuis 1775, hein, le cancer de la peau. C'est un Anglais qui s'appelle Percival Pott qui, en 1775, il étudie les ramoneurs à Londres, les petits ramoneurs qui descendaient dans les cheminées pris une corde et ils avaient un cancer du scrotum entre les jambes et les gens disaient c'est une maladie vénérienne, tout ça. Et non, cet anglais, il dit non, ça vient des goudrons, ça vient de la suie. La suie est cancérigène. Et en France, il a fallu attendre 1838 pour que ça soit reconnu. Mais encore aujourd'hui, quand vous faites une demande, ils disent, bah non, ça, c'est le soleil. Hein. Il y a aucun... Les dermatos ne veulent pas faire de certificat. Les trois quarts du temps, c'est un autre médecin qu'un dermato qui fait le certificat. Les dermatos vous expliquent que ça vient... Il n'y a que le soleil qui est en cause. Ouais. On les gagne tous, hein, pour les mineurs de fond. Cancer de la vessie, on les gagne tous, hein. Et du diesel, il y en avait beaucoup aussi, mine de rien. Denis Hilt. Enfin, diesel et locotracteurs qui fonctionnaient au diesel. Ancien mineur. Donc là, forcément aussi, hein, il y avait beaucoup d'émanations de gaz, donc on le respirait, celui-là. Et vu qu'on est dans un couloir, donc tout le monde, entre guillemets, j'ai dit vraiment, entre guillemets, on profitait. Il faut vous imaginer qu'à un instant T, donc j'avais fait une étude en 1978-79, il y avait 320 km de galeries ici, sous nos pieds, où on roulait dessus avec un train. Bien sûr, il y a eu des trains électriques, mais aussi des diesels. Il y a eu des locaux à cul, un problème avec l'acide. Et des locaux à air comprimé. Et les locaux à air comprimé, c'est certainement ce qu'on a eu de mieux. Les locaux à air comprimé, elle datait, la plus ancienne qu'on avait, elle datait de 1913. Et elle a terminé sa carrière en l'an 2000. On l'a chargée sur un plateau et on l'a ramenée au musée de la mine. Mais c'était certainement la meilleure machine qui polluait le moins, hormis la distillation de l'huile par les graissages. Les maladies qui sont les plus fréquentes, ce sont ce qu'on appelle les pneumoconioses, enfin les maladies respiratoires, les maladies pulmonaires. Judith Reynard. Et en particulier la silicose. Historienne. La silicose, elle n'est pas liée au charbon lui-même, elle est liée en fait à la silice qui est dans la roche elle-même et qui est libérée par le fait qu'on casse la paroi pour récupérer le charbon. La silice, elle est présente dans quantité d'espaces de travail, mais elle est particulièrement présente dans la mine de charbon. Et a fortiori aussi parce qu'on est justement dans un espace confiné et mal aéré. Donc bien sûr, l'inhalation est beaucoup plus importante. Et donc, la description de la maladie silicose, la toux, le fait qu'on ait les poumons complètement encrassés hein, par cette silice qui en fait, en quelque sorte, rend la respiration extrêmement difficile et donc les personnes qui en sont atteintes finissent par en mourir. Cette description-là, elle est omniprésente au XIXe siècle. Prenez les premières pages de Germinal, quand Étienne Lantier arrive à la mine le matin, il rencontre le vieux Maheu, donc l'aïeul de la famille Maheu, qui tousse, qui expectore, qui crache du noir, etc. Tout ça est décrit dans le roman, roman qui ne porte pas sur la question de la santé à part ça, mais en fait elle est là tout le temps. Et il dit « Ah mais du charbon, bon, c'est pas une citation exacte, mais du charbon, j'en ai plein la carcasse, de quoi me chauffer tout l'hiver ?» Je veux dire, cette connaissance, à la fois le savoir, je dirais, profane, tout simplement, hein, des ouvriers eux-mêmes et des mineurs en l'occurrence qui savent parfaitement qu'ils ont les poumons complètement encrassés, mais aussi la connaissance, la description médicale de la maladie, elle est extrêmement précoce. Et en France, la silicose, elle est reconnue maladie professionnelle en 1945. Donc quand même 60 ans après Germinal, et encore beaucoup plus tardivement dans d'autres pays, notamment en Belgique en 1967, et encore pas reconnu dans d'autres espaces miniers. Il faut que les gens, les principaux chez nous, soient là. Je suis beaucoup plus exactement. Hein bah écoute, on s'occupe en bas, peut-être là. Qu'est-ce que c'est, ça, exactement, cette audience de la chambre sociale de la cour d'appel, là ? Préjudice d'anxiété des mineurs, des anciens mineurs, c'est quoi ? En 2013, on se heurtait au refus systématique des anciens employeurs de reconnaître les expositions. Et donc on s'est dit, ou cancérogène. C'est-à-dire que l'employeur aujourd'hui reconnaît que les mineurs de fond sont exposés à la poussière de charbon, ou à la poussière de silice cristalline. Il reconnaît pas l'amiante, hein, en dehors de quelques métiers, en dehors des électromécaniciens, des mécaniciens, tout ce qui est maintenance, ils reconnaissent pas. Et donc tous les autres cancérogènes, ils reconnaissent pas l'exposition. Donc nous on s'est dit, nous aujourd'hui, nous sommes capables de prouver les expositions de nos collègues, de nos copains. Mais on s'est dit, nous, on n'est pas éternels, et donc la question qu'on s'est posée, elle est toute bête. Qui va s'occuper de nos veuves ? Parce que bientôt, on n'aura plus cette expérience, cette histoire. Et donc on s'est dit, il faut qu'on fasse un dossier collectif pour montrer que ces gens, tous ces mineurs ont été exposés à ces cancérogènes. Et donc l'idée, c'était de sauter dans quelque chose qui existait déjà, qui a été reconnu par la Cour de cassation en mai 2010, c'est le préjudice d'anxiété. C'est-à-dire que si on est exposé à des cancérogènes, eux c'était l'amiante, on peut se prévaloir d'une anxiété venant de ça. C'est-à-dire, en gros, si nous avons été exposés à des toxiques mettant en cause le pronostic vital, nous sommes anxieux et nous pouvons demander l'indemnisation de cette anxiété. C'était ça, le principe juridique. Et donc, ça a été 8 ans, un peu plus de 8 ans de combat, hein, parce que, en fait, les gens ont été indemnisés en 2021. Nous avons gagné pour 732 personnes la reconnaissance de l'exposition au cancérogène et du préjudice qui en résulte. Et donc, nous, on pensait sincèrement que là, ils allaient mettre les bouts en face. Hein. Mais en face, aujourd'hui, on a l'agent judiciaire de l'État. On a Bercy, directement, puisque les mines sont fermées, donc c'est l'État qui a repris la main. Et eux, systématiquement, chaque fois qu'on fait une demande, ils disent non, il n'est pas exposé. Et donc on a sans fin, on continue à se battre. Donc on en gagne beaucoup. Mais le problème collectif n'est toujours pas, malgré cette 732 condamnations, malgré des milliers de condamnations pour faute inexcusable, ils continuent à dire. Donc c'est sans fin, parce qu'en fait, c'est d'abord pour les victimes, ça peut être très long. Donc, en fait, c'est pas la double peine, c'est la triple peine. Ils ont été exposés à des cancérogènes, sans protection. Ils sont malades. Certains meurent de la maladie. Et en plus, on les laisse mourir sans savoir s'ils sont reconnus. Parce qu'on fait traîner la procédure. La dernière qu'ils ont trouvée, c'est même pas, faut pas rire, hein, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que toutes les archives, elles sont à Noyelles-sous-Lens. Sur l'histoire des mineurs de Lorraine. Elles ont été stockées à Noyelles-sous-Lens. Donc, quand on fait une demande, ils vont chercher le relevé de carrière pour dire, voilà, quels étaient ses emplois et à quoi il a été exposé. Donc, depuis un mois, on nous dit, nous ne pouvons pas vous donner les relevés de carrière parce qu'ils ont tous été amiantés. Et donc, aujourd'hui, ils sont inaccessibles. Ils font des choses absolument dingues. Hein. Donc, si vous avez vu la permanence qui est pleine aujourd'hui, elle est pleine plusieurs jours par semaine. C'est toutes des personnes qui, sans cette aide de bénévoles, ne pourraient jamais s'en sortir. Pour les dégâts sanitaires, il demeure une structure, l'Association nationale de gestion des droits des mineurs, qui est chargée de gérer le régime de maladie, le régime de retraite des mineurs, puisqu'ils avaient leur propre régime, qui est en principe responsable. Il y a une structure héritière des Charbonnages de France, mais c'est très compliqué. Et ce qui pose un vrai problème aux mineurs lorrains, par exemple, c'est que justement, comment rendre justice d'un certain nombre de dégâts sanitaires, etc., quand le principal responsable a disparu. Donc c'est à la fois une entreprise qui a disparu corps et biens, pourrait-on dire, mais dont les traces et les effets demeurent présents de la même manière. Je pense qu'il y aura des ayants droit du régime minier jusqu'aux années 2030-2040. Jusqu'à ce que toute la génération des anciens mineurs ait disparu, et jusqu'à ce que la dernière veuve, puisqu'il n'y a évidemment que des veuves, soient décédées, puisque dans le régime minier, on compte également les ayants droit, donc les conjoints, et dans ce cas précis, essentiellement les conjointes. Donc c'est un régime qui est voué à perdurer. Et bon, on a parlé un temps de le réformer ou de le supprimer, mais je pense que ça serait considéré comme passablement indécent de toucher au régime spécial des mineurs. Financièrement, le bénéfice serait minime. Je pense que le gouvernement va laisser, mais effectivement, on ne sait jamais. Il n'y a pas que la population au travail qui est affectée par l'activité minière, parce que tout le trafic qui est lié à l'activité minière, j'entends trafic de camions, de machines, etc., mais aussi le traitement des déchets, mais aussi des déchets miniers, mais aussi le traitement des minerais eux-mêmes. En fait, ça crée un environnement de travail qui a des répercussions, y compris environnementales et sanitaires, sur la population, même pas minière, la population qui n'est pas au travail directement, mais qui est la population environnante, celle qui vit tout simplement dans cet espace-là. Et donc, je voudrais juste insister sur cette question, c'est-à-dire que on a construit en fait le monde du travail comme un monde très à part, et quand je dis « on a construit », c'est institutionnellement, c'est-à-dire que il y a un ministère du Travail qui s'occupe des questions de travail depuis 1906, il y a depuis les années 70 un ministère de l'environnement, mais c'est complètement autre chose évidemment. Mais surtout, on a construit ces deux espaces, l'espace du travail et l'espace de la vie quotidienne, de manière très différente, très se tournant en quelque sorte le dos. Mmh. Et donc, on a pensé les dégâts de l'activité minière de manière complètement hermétique. D'un côté, pour les ouvriers qui travaillent au fond de la mine ou à la surface, de l'autre côté, pour les populations environnantes. Alors qu'en fait, bien souvent, d'abord, ce sont les mêmes, hein, parce que bien souvent, les mineurs vivent près de la mine, mais que du coup leur famille et leur environnement humain est associé. Et donc moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'essayer de réconcilier en quelque sorte, enfin, le mot n'est pas très bien choisi, mais disons de remettre ensemble ces deux espaces-là qui me semblent en fait être complètement liées, puisqu'elles sont tout simplement liées à la même activité initiale, à la même activité productive, à la même activité en l'occurrence d'extraction, donc du sous-sol. Et en remettant, et c'est ce qu'a fait un historien qui s'appelle Paul Jobin, il a trouvé ce terme tout simplement maladie industrielle, terme qui, de manière beaucoup plus évidente et claire, inclut à la fois les maladies du travail et les maladies environnementales qui sont liées en fait à l'activité industrielle. On peut dire que c'est un monde qui est globalement révolu et qui pourtant laisse un héritage absolument considérable et un héritage qui est très très très durable. Et à propos, parlons des usines désaffectées. Que deviennent-elles? Dans le Nord, il s'agit surtout des bâtiments et des chevalements des mines. Les mines sont fermées, ces bâtiments ne servent plus à rien. Pourquoi n'en a-t-on pas encore débarrassé le paysage? Après 150 ans d'exploitation de mines, INA, novembre 1971. Il y a quantité d'installations industrielles, de chevalements, de bâtiments. Pierre Delmont, président des Houillères du Nord et du Pas-de-Calais. Qui sont là et qui devront un jour disparaître pour améliorer ce fameux environnement. Je crois que c'est le fond du parti d'aménagement régional, n'est-ce pas? C'est d'aller à la reconquête des villes existantes. Absolument. Retrouver des villes qui soient agréable à vivre et éponger justement tous ces cadavres d'usines comme on le fait en Belgique. Alors, lorsqu'il s'agit d'installations en béton armé, ce sont les plus laides. Ils sont les plus laides, comme par hasard. Les frais de démolition ne peuvent absolument pas être couverts par le produit de la vente des matériaux de récupération. En revanche, pour les structures métalliques comme celle-ci, en période de bonne conjoncture sidérurgique, c'est-à-dire lorsque la demande de ferraille est importante, il n'y a pas de problème pour vendre ces superstructures. Mais il faut bien reconnaître que, et quelquefois on nous l'a reproché dans la région, les représentants des collectivités locales, que les organismes auxquels nous les vendons n'exploitent que ce qui est rentable. Et il peut toujours subsister des bâtiments. Et vous avez eu raison de souligner à quel point ces bâtiments dégradent un paysage qui est déjà lui-même bien déparé à beaucoup d'égards. À un moment donné, il faudra, comme pour les carcasses de voitures automobiles, prévoir quelque chose. Qui devra payer? Est-ce que c'est l'usager, c'est-à-dire l'habitant, finalement? Est-ce que c'est l'industriel? Tout ceci demande à être étudié, mais dans notre civilisation industrielle, il faudra, c'est certain, prévoir la démolition des bâtiments et des installations hors d'usage. Bon, alors, il y a des législations pour cela dans les pays voisins. Pourquoi est-ce qu'en France, on ne serait pas capable de faire ce qu'on fait en Belgique, ce qu'on fait en Allemagne, ce qu'on fait en Angleterre? En définitive, c'est ça le problème. L'industrie et la mine ont pollué pendant plus d'un siècle. Hein. Et ces terrains pollués, on ne peut pas toujours les récupérer complètement. Simon Edelblut. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de friches minières ou industrielles. Géographe. Où on est limité dans les choix qu'on peut faire. Alors on pourrait dépolluer complètement, mais ce serait extrêmement compliqué, extrêmement cher. Et il faut savoir aussi que les sols étaient encombrés. C'est-à-dire les sous-sols étaient encombrés. C'est-à-dire qu'il y a des fondations, il y a des tuyaux dans les sous-sols, etc. Donc tout ça, ça abîme les sols. Donc on pourrait peut-être tout nettoyer, tout dépolluer, mais ce serait trop cher. Donc en fait, on laisse parfois des pollutions, on va laisser des sous-sols encombrés et on va faire une zone renaturée, on va laisser ça, on va faire un parc et on va pas construire une crèche là-dessus ou un lotissement là-dessus. Mais il y a certains lotissements qui sont créés parfois sur d'anciennes usines, d'anciens sites industriels où les gens n'ont pas le droit de cultiver des légumes. Vous pouvez habiter là, vous risquez rien. Par contre, vous ne devez pas cultiver des légumes et manger la production parce que les sols ont été pollués. Il y a encore des traces, c'est pas complètement dépollué. Fermer un puits de mine, On laisse en réalité beaucoup de choses au fond. On condamne surtout l'intégralité des accès puisque l'enjeu, enfin, une mine cesse d'être en sécurité très vite. Si on ne l'entretient pas, il y a des problèmes d'exor, donc de présence des eaux, des problèmes d'affaissement. Donc l'enjeu quand vous fermez, pour ce qui est de la partie souterraine, c'est de faire en sorte que plus personne ne puisse y accéder. Alors avec une interrogation qui est toujours un peu étrange, qui est de se demander ce que deviennent toutes ces installations humaines à 500, 800, 1000 mètres sous terre. Alors à la surface, ça dépend. Le cas du Carotte Fosse qui est resté en Lorraine est un cas en réalité assez rare. Dans énormément de cas, on a eu tendance à démolir les installations de surface, donc tout ce qui est chevalement, usine, vestiaire des mineurs, etc. Notamment parce que les Charbonnages de France, bon, qui sont une entreprise extrêmement déficitaire depuis le début des années 50, avaient une forte pression de Bercy pour résorber un peu leur déficit en vendant des terrains. Ce carreau de mine près de Douai est en démolition. On est en train de combler le puits. En même temps, les récupérateurs sont à l'ouvrage. Seuls les intéressent ce qui est négociable, c'est-à-dire les ferrailles. Le reste, eh bien, le reste risque fort de demeurer sur place pendant très longtemps. À Hérin, comme dans tout le bassin minier, l'histoire de la commune et celle de la mine se confondent. Décembre 1978. La naissance de cette fosse remonte à la fin du 19e siècle, mais ce n'est qu'en 1890 que fut creusé le troisième puits. 8 kilos de plastique vont venir à bout de ce mastodonte, construit en 1920, en béton, car à cette époque, il fallait économiser l'acier. Je sais pas, la mine, c'était à nous. Je sais pas, enfin, c'était à nous. C'était pas... Hein. Vos parents travaillaient là ? Mon père. Nos parents, nos grands-pères, tout le monde. Mon beau-père. J'ai tuiné là-dedans. C'est un peu l'histoire du village qui s'en va, là, maintenant. Ah, ouais, ouais, en ça, ouais. Ça, tout le village que, qui s'en va. Tout le village qui s'en va. Tout le village. Parce que si vous disiez à quelqu'un de venir vous voir chez vous, on disait, tu passes devant le fosse, tu regardes le chevalet, ben, bah, les courants, c'est là. Les courants des mines, ben, il faut le faire, hein, l'enlever quand même. Ça fait mal au cœur, enfin, surtout pour les anciens mineurs qui s'encourent là, les anciens retraités, les retraités qui voient le dernier vestige des mines, le terri est disparu depuis déjà plusieurs années, et maintenant, je suis allé, maintenant, c'est terminé. Il reste plus rien à Hérin, comme disons, c'est pas un beau site, mais enfin, c'est quand même quelque chose de respectueux quand on voit un chevalet qui a été fait en 1920, je crois, puis maintenant, qui disparaît. Ici, on est en train de démolir. Est-ce que vous pensez qu'il faut démolir toutes les superstructures des mines ? Bah, bien sûr, il faut tout de même démolir, puisque c'est assez vieux aussi. Mais il faut tout de même laisser quelque chose qui nous rappellera un peu les anciens. Justement, on envisage de créer ici un musée de la mine. C'est une bonne idée, à condition qu'il s'agisse d'un véritable musée et non d'un cimetière. Pendant la révolution industrielle, donc fin 18e, 19e, début 20e, tout ce qui est industriel est vraiment regardé comme, j'allais dire, de façon très positive. C'est le modernisme. Si vous regardez, il y a plein de cartes postales qui sont ciblées sur des usines. On voit l'usine qui fume, il faut que ça fume. On voit des tableaux, des peintres. D'ailleurs, les peintres impressionnistes, ils ont peint des gares, ils ont peint des usines, parce que ça les fascine. C'est l'image de la modernité. Donc le vieux fond rural, le vieux fond agricole, il est souvent un peu... bon, on s'en moque un petit peu. Hein. Et puis quand la crise arrive, donc au milieu du XXe siècle, l'industrie, on se rend compte qu'elle pollue, on se rend compte qu'elle offre des conditions de travail pas très faciles. Le paternalisme, ça commence à être pesant. Hein. Autant c'est plus ou moins bien accepté au début parce que c'est un peu une amélioration par rapport à la vie agricole. Quand on avance dans le XXe siècle, bah c'est de moins en moins bien accepté parce que les gens n'acceptaient plus d'être contrôlés comme ça. Donc au cours du XXe siècle, l'image de l'industrie se dégrade peu à peu. Et quand on arrive à la crise des années 70-80, là, l'image est absolument négative. Non seulement l'industrie, bah, il y a tous les problèmes que j'évoquais avant, mais en plus, elle s'effondre, elle provoque des friches industrielles, elle provoque le chômage, etc. Donc l'image de l'industrie, fin XXe siècle, des années 80 aux années 2000, ville, c'est une image extrêmement négative. Donc là, on va peut-être retrouver plus l'idée rurale. On va être fasciné par le clocher. C'est l'affiche de Mitterrand en 81. Hein. Donc on va être fasciné un peu par ce qu'il y avait avant, l'agriculture, c'est mieux, etc. Donc à ce moment-là, il y a une vraie phase de deuil. C'est-à-dire qu'on n'a plus envie de voir ça. On n'a plus envie de voir les friches industrielles. On rase beaucoup, voilà, au moment du déclin. On rase beaucoup d'anciennes usines qu'on fermait. On pense même pas à conserver des bâtiments qui pourraient être utiles pour autre chose. On veut effacer, pourquoi ? Parce que on fait parce que c'est le symbole d'un échec et parce que l'effondrement était très dur. Ça a traumatisé les sociétés. Donc ces sociétés-là, elles passent par une phase de deuil. Et une fois que cette phase de deuil est de destruction, parce que le deuil amène à détruire énormément d'héritage industriel, une fois que ça s'est passé, eh bien on redécouvre ce qui reste des héritages. Depuis à peu près le début du XXIe siècle, depuis peut-être des années 2005-2010 d'ailleurs, hein, c'est pas si vieux que ça, l'image de l'industrie change encore et redevient positive. Parce qu'on se rend compte qu'on l'a trop laissé partir, on se rend compte qu'on est dépendant de l'étranger, on se rend compte que les circuits courts c'est bien, que écologiquement c'est n'importe quoi d'aller importer des trucs de Chine ou je sais pas quoi. Hein, donc l'image de l'industrie redevient positive. Maintenant l'industrie elle offre des conditions de travail qui sont pas pires qu'ailleurs. Bon, elle peut être plus sociale, bon, elle pollue moins parce qu'il y a des filtres, il y a des règles qui l'empêchent de polluer, etc. Donc, elle a une image beaucoup plus positive aujourd'hui. Et puis, ça amène à la redécouverte, d'ailleurs, des héritages. On va fouiller pour redécouvrir une ancienne entrée de mine. On va fouiller pour... On va conserver une cheminée qui traîne à moitié en ruine depuis des années. On va la retaper. Le vivre comme un patrimoine, oui, et non pas ça, comme un... Ça devient un patrimoine, à tel point que maintenant, certains héritages industriels sont devenus des patrimoines industriels UNESCO. Hein, certains sont inscrits donc au patrimoine mondial de l'humanité. Il y a à peu près, je dirais, dans le monde... une trentaine, 30, 35 sites industriels ou miniers qui sont inscrits patrimoine mondial, dont le paysage de l'ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Au même titre que les châteaux de la Loire ou qu'à Nancy, la place Stanislas, par exemple. La fosse du 9-9 bis de la Compagnie des Mines de Dourges est un ancien charbonnage du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, situé à Ouani. Sa fermeture a clôturé 210 ans d'histoire minière du Nord-Pas-de-Calais. Menacé de destruction, le carreau de fosse sera finalement conservé, les bâtiments et les machines directement liés à l'extraction du charbon, dont les deux chevalements seront classés au monument historique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le 30 juin 2012, le carreau de la fosse du 9-9 bis, le terril numéro 110, la cité jardin de Clercq, un dispensaire de la société de secours minière, et la cité moderne des Bonniers ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Marie Patou, vous qui êtes chargée de mission patrimoine et éducation, est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est que ces bâtiments-là, en face de nous ? Là, on est en face des salles des machines qui étaient en face de chaque chevalement, donc ces tours qui permettaient de descendre les hommes, les remonter, le matériau, etc. C'est ce qu'on appelle des chevalements. Ailleurs, on va parler de chevalets, voilà, c'est aussi tout un vocabulaire spécifique. Mais vous voyez, il y a des énormes roues au sommet. Vous voyez un câble passer sur l'une d'entre elles. Elles sont actionnées par des machines qui se trouvent en face dans ce bâtiment. Et donc, il y a deux chevalements, donc deux machines qui sont encore en place. On est sur un site assez exceptionnel ici, puisque toute la machinerie est restée, contrairement à ailleurs, puisque le site a été sauvegardé et maintenu par les anciens mineurs tout de suite dès l'arrêt de la fosse. Ce qui permet aussi d'avoir aujourd'hui ce patrimoine exceptionnellement bien conservé. Il reste que 4 fosses d'extraction sur le territoire. Et en même temps, heureusement qu'il en reste que 4, parce que je pense qu'à entretenir, c'est quand même compliqué. La première qui a ouverte et qui est valorisée, c'est le Centre historique minier de Leeward, qui a ouvert en 1984. L'idée n'était pas de faire que des musées de la mine sur les 3 autres. Et ici, la fosse, elle combine patrimoine et musique. Alors, c'est pas venu comme ça de manière fortuite, voilà. La musique est extrêmement importante dans la culture des mineurs. Et les harmonies, etc. Et donc le choix de reconvertir la fosse, notamment autour de la musique et dédiée à la musique, puisqu'il y a aussi toute une activité logistique, la location de bureaux et des choses comme ça, c'est pour ça qu'on a eu la construction de la salle de concert, le Métaphone. C'est aussi une de nouvelles activités économiques. Ça combine tout ça. Et on fossilise pas, c'est pas parce qu'on patrimonialise qu'on fossilise. Le problème du patrimoine industriel, comme pour le patrimoine moderne par exemple, c'est qu'on leur fait le procès qu'ils sont moches. Et du coup, il y a c'est pas du patrimoine parce que de toute façon c'est pas beau, c'est moche. Mais le patrimoine, c'est l'histoire, C'est pas que l'histoire de l'architecture, c'est pas que l'histoire du beau, c'est pas que les plus beaux colliers, les plus belles perles d'un collier qu'on exhiberait. Le patrimoine industriel, c'est l'histoire de l'homme, tout simplement. L'industrialisation, les révolutions industrielles ont changé la face du monde et c'est ce qu'on raconte. Et on en est tous les héritiers. Aujourd'hui, nos sociétés sont héritières de cette révolution-là et c'est ce que raconte notre patrimoine. Moi, je travaille pour la Mission Bassin Minier, qui est une association qui réunit l'État, la région, les deux départements et toutes les intercommunalités du bassin minier. Gilles Briand. On a été créé en 2000. Urbaniste. Avec une mission qui était d'accompagner la reconversion du bassin minier. Qu'est-ce qu'on fait quand une mine ferme ? On met quoi à l'intérieur ? On rebouche de quelle façon ? Alors, il y a plusieurs techniques. Ici, la technique principale qui a été utilisée, c'est de faire alterner des couches de matériaux pierreux, sableux et puis des bouchons de béton, notamment aux entrées des galeries. Toutes les galeries ont progressivement été effondrées, les unes après les autres, soit naturellement par le poids de la masse qui était au-dessus, soit avec un petit coup de dynamite pour aider à descendre. Ce qui fait qu'on a eu dans le bassin minier, sur à peu près un siècle et demi, des grands mouvements d'affaissement. Donc on a plein d'endroits où le terrain a baissé. Et quand je dis il a baissé, il n'a pas baissé d'un mètre ou deux, il a baissé de 20, 30 mètres à certains endroits. On a des grandes zones d'affaissement comme la Mara Gorio par exemple à Wallers, qui sont devenues aujourd'hui des grandes étendues d'eau qui sont liées à ces mouvements d'affaissement minier. Ça aujourd'hui, globalement, les mouvements ils sont à peu près terminés ou en tout cas on a du mal à les distinguer des autres mouvements naturels de terrain. On est où ici alors ? Alors ici on est dans le parc du Haut-Oua. Qui est en fait le grand parc qui appartenait à Madame De Clercq, qui est la fondatrice de la compagnie des mines de Dourges. Alors qu'est-ce que c'est que cette montagne immense? Alors c'est ce qu'on appelle un terri. Les terris, ça vient de ce qu'on appelait finalement les stériles, c'est-à-dire les matériaux inertes qu'on remontait des profondeurs. C'est des tas de cailloux. Donc déjà c'est très propre, on peut le dire globalement. C'est pas de la pollution. Je déteste qu'on dise que c'est des tas de déchets. Et c'est surtout des tas de cailloux qui sont le symbole de notre territoire. C'est ce qui donne quand même tout le relief à cette région finalement assez plate. Et puis c'est des lieux de reconquête de la nature, de reconquête par les usages. Donc les départements ont acheté beaucoup de terris parce que c'est des sites qui sont témoins d'une requalification environnementale, d'un renouveau environnemental, avec un processus qui est naturel, qui a été pas mal encouragé par la main de l'homme aussi, parce qu'on a eu des politiques de requalification des friches qui ont mobilisé beaucoup d'argent public. Mais il y a un phénomène de renaturation qui se passe sur la plupart des terris, parce qu'on est finalement sur des milieux secs, dans un territoire qui est plutôt constitué de forêts, de zones humides. Bref, donc on a une différence assez marquée de biotope. Donc on va trouver ici toute une série d'espèces, faune-flore, qu'on ne trouve pas par ailleurs, et qui sont presque atypiques. Comme quoi, par exemple ? Le lézard des murailles, la couleuvre à collier. C'est des refuges extrêmement importants pour les oiseaux. Donc on va trouver le traquet moteux, par exemple, qui est un petit oiseau qui a la particularité de nicher plutôt au ras du sol. Et donc il va trouver dans le substrat du terri un endroit important où il va pouvoir installer sa petite maison. Et donc voilà, c'est vraiment un espace de grande richesse. Mais cet oiseau-là, ce qu'il ferait moins sur une terre oui. Lambda ? Oui, parce qu'il a besoin justement, il aime bien ces espaces comme ça, assez découverts. Voilà, on a plein d'espèces qui sont là parce que ces terrains-là sont spécifiques. En 1985, Élisée Roumégous, un ancien mineur de fond qui prend sa retraite d'électromécanicien qui, à l'époque, était adjoint au maire de Cagnac. En passant, en fait, sur la route, on se rend compte qu'on est en train de démanteler les derniers puits de notre bassin qui étaient encore sur site, le puits numéro 1 et le puits numéro 2 de Cagnac. Et donc, il rentre à la mairie et alerte, en fait, tout le monde sur ce patrimoine qui est en train de partir. Véronique Malfette, musée de la mine de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Et bah là, il va commencer à petit à petit, même jusqu'à aller chez le ferrailleur de façon plus ou moins licite, il faut être honnête, à récupérer du matériel et à faire infléchir avec le maire et des copains autour, à faire infléchir Charbonnage de France qui avait décidé de sauver la mémoire ouvrière française dans le nord de la France et notamment au centre historique minier. Aujourd'hui de Le Warn. Mais effacer celle des autres endroits en France, ou en tout cas de passer à autre chose, c'est ça ? En fait, oui. Alors, c'est vrai que j'ai discuté longuement avec l'ancien maire de Carmaux qui m'expliquait qu'au moment de la fermeture, il y a eu des conflits très violents et que, en fait, le fait de la mono-industrie avait provoqué aussi une grosse hémorragie au niveau du travail et qu'à l'époque les édiles en fait étaient plus concentrés réellement sur la recherche en fait de dérivés économiques de façon à pouvoir garder les gens et à trouver de l'emploi. Donc on les appelle nous les six papis, mais ces gens sont des précurseurs. Dans les années 80, en fait, on parlait peu de sauvegarde du patrimoine industriel parce qu'on se battait encore sur notre bassin pour sauver des emplois. Et donc, ces six mineurs à Cagnac, c'est un mineur Élysée qui, avec cinq copains, vont partir dans l'idée de créer 350 mètres de galeries reconstituées pour pouvoir au départ faire descendre leurs enfants, leur famille et leur montrer ce qu'on ne voyait pas puisque l'accès en fait au puits de mine était normalement interdit à quiconque si ce n'est au personnel donc des houillères. Et ils se sont pris au jeu, ils sont venus travailler pendant plusieurs années en fait tous les jours pour en 1989 ouvrir en fait ce boyau de galerie qui existe vraiment, oui. Donc, qu'ils ont construit eux-mêmes. Qu'ils ont construit de leurs propres mains, qu'ils ont creusé, et surtout avec un camion qu'ils ont récupéré de haute lutte en fait à la mine, avec l'aide de quelques copains qui travaillaient encore et qui amenaient un peu de matériel de temps en temps. Au début des années 2000, il a été décidé d'intégrer le musée de la mine à Cap Découverte. Cap Découverte étant la reconversion du site de la Découverte en pôle multiloisirs. Et le musée de la mine était le fer de lance du pôle mémoire. Avec une idée en tête, c'était de ne pas laisser partir notre histoire. Et le musée, en fait, était là pour sauvegarder cette mémoire minière. On passe à autre chose, mais on n'oublie pas de là où on vient. Dans le projet de Cap Découverte, ils sont partis avec quatre axes. Patrick Garcia, ancien mineur. Un axe pôle musique, avec la maison de la musique, l'espace festival et le théâtre de Verture en bas. Après, le sport y glisse. C'est pour ça qu'il y a la piste de ski, le ski nautique, la baignade, les pistes cyclables, les pistes de roller autour, un skatepark. Nous, on rigolait au début quand il nous a dit, je m'en rappellerai toute ma vie parce qu'on était à Vin-Velvé-Vert là-bas, il me disait, tu vois, on va skier là, quoi. Et je lui ai dit, mais tu me prends pour un con, j'ai jamais déjà skié. Et en plus, tu vas skier sur mon charbon. Mais ouais, tu verras, on va skier, quoi. Bon, j'ai dit, je l'ai pris pour un fou. Honnêtement, je l'ai pris pour fou. Après, il y a le pôle mémoire avec le musée de la mine. Avant qu'il soit départemental, il était dans le projet de Cap Découverte. Et après, il y avait le pôle nature. Du fait qu'on rendait ce domaine meurtri par l'homme, on le rendait à la nature, quoi. Nous, on a fait des pieds de nez. On a laissé trois couches de charbon pour que les gens ils puissent les voir. On en a une en face, là, complètement là, au-dessus de la plage. Le parement qui est tout noir, là, au-dessus. Oui. Les traces noires, c'est du charbon. Et on en a une contre la piste charbon, là, et on en a une autre au théâtre de Verdure. Ça, c'était le pied de nez qu'on faisait en disant, quand vous descendrez, vous verrez du charbon. Dans le plus mal, ça s'est bien pas trop mal passé. Voilà, ça aurait pu être pire, parce qu'on aurait pu avoir l'eau à 10 mètres de là, un barbelé autour, et plus rien autour. Et là, maintenant, on a quand même des choses qui sont... Il y a une nature. Il y a une hypocrisie dans l'énergie française. Il y a une hypocrisie, quoi. Monstre. Elle a un peu sorti là avec la guerre de l'Ukraine, quoi. Ces techniques, c'est comme ça. Pour faire les pointes, quand on a besoin de se chauffer ou de regarder la télé tous ensemble, il faut que ce soit des centrales thermiques qui puissent le faire. Tous les autres, c'est des bases. Ils ouvrent, il y a le maximum ou il n'y a rien. Et il n'y a que le thermique qui le fait. Thermique, il y a trois. Pétrole, gaz et charbon. On est livré soit par la Russie, soit par l'Algérie. Bon, on était un peu en conflit avec l'Algérie. Bon, là maintenant, on y reva, ça va mieux. Il faut que le gaz y revienne, quoi. Mais bon, et voilà. C'est une hypocrisie. Et en plus, les centrales nucléaires qui sont en frontière avec l'Allemagne, quand ça passe de l'autre côté, le neutron électrique, il est plus marqué nucléaire, quoi. Il va l'alimenter en base, il l'alimente. Et quand nous, on avait besoin de nos pointes, c'est eux qui nous renvoyaient avec le charbon. Et en plus, plus fou, comme on a un quota de pollution, de taxe carbone, ben on l'a donné à l'Allemagne pour pouvoir qu'ils puissent plus produire, pour pouvoir nous donner quoi. C'est une hypocrisie et on continuera. Parce que quand on nous parle du solaire, quand on nous parle de l'éolien, maintenant l'éolien, ça fait, les écolos ont dit qu'il y avait trop de problèmes avec les animaux. Alors bon. Mais si on veut demain faire la terre entière en panneaux photovoltaïques et qu'une fois de plus, c'est comme le nucléaire, on n'a jamais calculé qu'est-ce qu'il allait mettre au bout. Bon, alors. Et le charbon, je suis persuadé, malheureusement, c'est la première réserve au monde qu'on a, après le pétrole. Enfin, le charbon et le pétrole après. C'est pour ça que bon. Mais en France, on n'est pas prêt. Il faudrait que mentalement, mais y a beaucoup de choses qui nous font revenir en arrière. Hein. Beaucoup. Les guerres, tout ça, ça fait revenir en arrière. Je m'en vais. J'ai assez parlé. Voilà. Allez, je vous laisse. Hein. Avec Marion Fontaine, Simon Edelbut, Gilles Briand, Judith Reynorn, François, Marie Patou, Patrick Garcia, Bernard Rodriguez, Michel Boudon, Denis Hilt, Véronique Malfette. On parle parfois de réouvrir, on va ouvrir des mines de lithium, là, c'est prévu, puis va savoir si un jour on va pas dire on va réouvrir des mines de charbon ou des mines de fer, allez savoir. Hein. Bon, même si ça paraît peu probable, étant donné que le minerai de fer lorrain n'était pas de très bonne qualité, puis que le charbon il est difficile à extraire, mais allez savoir si un jour il va pas y avoir de nouveau des exploitations comme ça. Merci à Yannick Béteil et à Jean-Marie Dame, responsable FO, Centre Thermoélectrique de Carlin. Merci au musée de la mine de Cagnac-les-Mines, à Karine Laborie. Merci à Virginie Malolepsy, directrice des archives du Centre historique minier de Léouard, pour sa précieuse collaboration. Merci à Karine Sprimont et à toute l'équipe du Centre minier de Léouard. Merci à Lina et à Ingrid Anne-Lecointe pour les archives, à la documentation de Radio France, à Annie Signoret de la Bibliothèque centrale de Radio France. Prise de son Frédéric Quérou et Raymond Albouy. Enregistrement Nicolas Depagraf, mixage Manon Houssin, stagiaire Clara Caverchine, attachée de production Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales, coordination Perrine Kervran. C'était On ferme les mines, un documentaire de Johanna Bedeau, réalisé par Marie-Laure Ciboulet.